bonjour Manu. Je pense en équilibre, un peu comme un bateau. J'avance face à la mer, je navigue sur les flots, un peu comme un bateau. J'avance et je suis fier de ce que porte mon dos, un peu comme un bateau. Je trouve son équilibre entre les vagues et le chaos, un peu comme un bateau. J'avance et je suis fier de ce que porte mon dos. J'avance en équilibre, non, non, non, non, non, un peu comme un bateau. Avec le temps, tout s'éloigne. Avec le temps, tout s'éloigne. Qu'est-ce que tu as marqué? Attends, j'ai pas vu. Désolé, je ne vois pas ce que je peux faire là-dessus. Ouais, c'est une... Je ne sais pas si tu connais, c'est... Ndila. Ndila. Ndila. Ndila. Bah, tu peux te faire chier surtout, je pense. Parce qu'il y a que trois accords. Mais bon, moi j'aime bien son album. J'aime bien cette fille. J'aime bien la voix qu'elle a. Un peu comme un bateau. Ouais, si tu mets la, si tu écoutes la radio, tu vas sûrement l'entendre. Salut.